L'actualité à Nancy et ailleurs. Serge Joseph, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Les Baladins. Eh bien, on se retrouve pour annoncer un nouveau concert. Après Camille Ardoin, c'était en octobre dernier. Vous recevez Thomas Pithiot le vendredi 16 mars à la ferme du Charmois à Vendeuvre. C'est exact. C'est le troisième concert, en fait, de la 22e saison des Baladins. Thomas Pithiot, que vous n'avez pas encore reçu, tout comme Camille Ardoin, que c'était une première fois. Thomas Pithiot, ce sera une première à Vendeuvre? Tout à fait. Je pense que ce serait une première dans l'Est, parce que ils font partie des artistes qui ne sont pas très connus du grand public. On ne les voit pas souvent dans notre région. Donc, je les fais venir, justement. C'est le but. Comment l'avez-vous découvert, justement, Thomas Pithiot? Je le connais depuis très longtemps, parce que il y a une dizaine d'années, il avait fait un premier album qui s'appelait Le Tramway du Bonheur. Et je l'ai vu à plusieurs reprises dans les festivals, notamment Barjac, Rencontre Marc Robin. Voilà, je l'ai déjà vu plusieurs fois sur scène. Il fait partie des artistes qu'on a envie de faire venir, de faire connaître ici. C'est quand qu'a commencé la calamité du fond télé illimité. Chacun téléguidé, tu dois décrocher si ça a sonné. Quel est un peu son univers au niveau de ses textes? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? C'est un grand humaniste. Hein. Il parle de choses diverses du monde, de ce qui l'entoure. Il a beaucoup séjourné en Afrique. Et on ressent dans ses textes, dans ses musiques surtout, cette influence d'Afrique. Je crois que c'était au Mali qu'il a été. Mais moi, j'aime bien cet univers-là, justement. C'est un univers très, très particulier. Alors, il sera sur la scène de la ferme du Charmois le vendredi 16 mars. Un mot maintenant sur la première partie de cette soirée. Il sera assuré par Du Genou. Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré Sébastien Pierre, alias Du Genou. Un peu par hasard, j'ai découvert à la fête des pins il y a quelques années, bien 3 ans je pense, à Malzéville, où j'ai vu que se produisait un certain Du Genou, chanson française, et je suis allé donc à cette fête des pins, et j'ai découvert Du Genou, voilà, qui était aussi un humaniste, qui là aussi j'ai vraiment aimé cet univers, ses chansons, pas mal d'humour. Voilà, puis je me suis dit que, pourquoi pas une première partie régionale. On aime bien aussi faire venir des artistes, c'est pas tout le temps, mais des artistes de la région, des artistes locaux. Donc Du Genou et Thomas Pithiot qui ont des univers qui se recroisent un peu? Pas vraiment, en tout cas musicalement, non. Sébastien donc sera accompagné, lui, alors il vient en duo aussi d'ailleurs, il sera avec un musicien qui joue du cajun, je crois. Donc la première partie par Du Genou à découvrir. À découvrir également Thomas Pithiot. Ce sera le vendredi 16 mars, ferme du Charmois à Vendeuvre. Le concert est à 20h30. Pour réserver ses places, on se rend sur le site des Baladins. Alors, il y a plusieurs solutions. Oui. Il y a la FNAC, il y a Billets Web, où on peut acheter ses billets. Et puis, il y a bien sûr le chèque que l'on peut envoyer à l'association des Baladins, au 34 rue du Mont. Voilà, et on peut téléphoner pour réserver. Là, on peut réserver par téléphone sur ce concert-là. Il y aura de la place de toute façon, donc au 03 83 25 87 16. Très et bien. Le site des Baladins, c'est www.lesbaladins, un seul L, baladins.fr. On pourra trouver un bulletin de réservation qu'on peut envoyer avec son règlement. Ok, bien, merci Serge pour toutes ces explications. On va se quitter en musique et bien sûr avec Thomas Pithiot. Ben, merci beaucoup. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Y a beaucoup trop de violence dans les cités dortoirs. Beaucoup trop de violence pour toi qui t'endors tard. Ta violence distillée dans les mots que tu dis. Ta colère dictillée dans les mots que tu vis. Toi l'enfant de l'orage qui ne fait que tonner. Tu casses la vitrine qui joue encore l'étonné. Toi l'enfant violent que la vie a violé. Te pend avec les cordes de ton violon cassé. Toi l'enfant sans boussole, toi l'enfant à bout de sens. Marche dans la boussole et pousse à bout la France. Qu'a déjà oublié qu'elle t'avait oublié. Récolte ce qu'elle sème et à quoi bon s'aimer. Y a beaucoup trop de violence dans les ghettos le matin. Si personne ne t'attend, y'a personne qui t'atteint. Toi l'enfant qui est capable de frapper gratuitement a sans doute trop reçu, évidemment tu rends. Et sans te rendre compte que tu te tutoies même. Quand tutoyant les vieux, tu refuses que l'on t'aime. Et pourtant c'est d'amour dont tu manques cruellement. Et ça peut rendre cruel quand tout le monde te ment. Quand tout le monde te manque, tu manques à tes devoirs. T'apprends plus tes leçons et tu vis tes cauchemars. Et ceux qui vivent leurs rêves te rappellent qu'hier soir tu t'es encore couché avec ton désespoir. Tu trouves cela injuste que les gens soient heureux. Et comme tu n'y crois plus, tu les rends malheureux. Tu distends tous les liens et avec insistance tu dis ta gueule au tien en marquant la distance. Beaucoup trop de violence dans les ensembles urbains. Quand les gens semblent usés devant les murs repeints. Réhabilitation et puis démolition. Combien sont emmurés dans leur corps en prison. Celui qui s'est regardé plus loin que le bout de son nez. C'est que tu es victime et t'en veux pour de vrai. D'avoir visé au plomb la grand-mère dans la rue. Je pense à toi souvent, je me dis que t'es perdu. T'as balayé une femme sur un quai des RER. J'enrage encore maintenant de n'avoir rien pu faire. Celui qui pour flamber a tapé le guitariste. A flambé plus qu'une vie en plantant le machiniste. Celui qui a agressé de jeunes manifestants. A la tête en pagaille et insulte l'enseignant. Si tu veux pas souffrir comme tant d'autres au parloir, desserre ta mâchoire et commence à parler. On est un certain nombre à vouloir t'écouter. Hello.